déplore les malheurs de notre pauvre monde. La famine, la misère, les guerres et les bombes. Je voudrais du bonheur pouvoir le distribuer. Déranger les fusils, jamais plus voir tuer. Encore plus l'hypocrisie des riches qui étalent leur dédain camouflé dans leur niche. Baignant de l'intérêt, jouant la compassion. Allons blaser de tout, quand même sans raison. La révolte est en moi qui gronde furieusement. J'aurais voulu bouger, cogner rageusement. En toi j'aurais trouvé une source de conviction. Sans ma volonté, dans tes yeux de passion, je me serais battu, j'aurais eu le courage. Défendre mes idées d'amour et de partage. L'aurais fait mille fois, mais tu m'as tout ôté. Voulant plus rester encore à mes côtés, il ne me reste plus ni larmes ni haine. N'ai plus pour compagne qu'une immense peine. Puis au plus profond de mon cœur écorché, me rappelle chaque jour que ma vie est gâchée.